Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. J'ai encore une belle sélection cette semaine de musique gratuite. Pourquoi gratuite? Ben, c'est de la musique qui est distribuée sous licence Creative Commons. Donc, ça permet de partager les fichiers. Même on encourage avec ces licences-là le partage des fichiers pour en autant que ça ne soit pas fait d'une façon commerciale. Donc, c'est ça, vous pouvez télécharger tout ça gratuitement, tout ce que vous entendez à l'émission. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, venez donc faire un petit tour sur le site. J'ai beaucoup de bons matériels pour vous. Cette semaine, on va débuter avec le 39e album sur l'étiquette française Fresh Pulp Records. Il s'agit de l'artiste Fingounet, qui vient de Thionville, dans la région de la Lorraine, en France. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album Various Personality. On va débuter avec la pièce Sarasvati. Ça va être suivi par la pièce Tamil Nadu. Yeah. C'était très bien, des ambiances indiennes, un peu de sitar, un peu de tabla. C'était Fingounet, un artiste sur l'étiquette Fresh Pulp Records. Donc, c'était le 39e album sur l'étiquette, qui est assez prolifique. Deux pièces tirées de l'album Various Personality. On vient tout juste d'entendre la pièce Tamil Nadu. C'était précédé par la pièce Sarasvati. Pour poursuivre l'émission Web Musique, on va aller faire un petit tour musique du monde. Donc, le groupe s'appelle, je suis pas très sûr, s'appellerait Red Cicadas, mais je suis pas sûr. C'est sur l'étiquette Burning Cicada Limited. Une étiquette qui est une drôle de façon de présenter l'information. Donc, je suis pas vraiment sûr du nom du groupe. Je ferai quelques recherches. Donc, ça serait la pièce Bang Ba. C'est sur une compilation qui est sur l'étiquette donc Burning Cicada Limited, une étiquette qui donne dans le multimédia, dans les jeux, le design. Donc, une étiquette assez intéressante. Puis ensuite de ça, on va aller écouter un français qui s'appelle Omeka. C'est sur l'étiquette, le net label Miniatura Records, une étiquette qui vient de l'Argentine. Je vous fais passer la pièce A Late Spring. Donc, c'est un peu de techno minimal pour vous. Donc, c'est ça pour tout de suite. On écoute Red Cicadas. Thank you. C'était le français Umeka, la pièce A Late Spring, donc un peu de techno minimal. C'était sur l'étiquette Miniatura Records, une étiquette qui vient de l'Argentine. Avant ça, on entendait une pièce sur la compilation de Burning Cicada Limited, Semper One, donc sur l'étiquette Burning Cicada. C'était la pièce Bangba. On va poursuivre avec un artiste espagnol de la ville de Séville. Donc, l'artiste s'appelle Bordeos. Je vous fais passer sa pièce Artistas. C'est Bordeos Burgundy Remix. Artistas viven adornando verdades sencillas y a veces brutales para sorprender y conmocional. Incluso cuando no hay público. O cuando no hay público. O cuando no hay público. O cuando no hay público. Thank you.

Community. Thank you. Vous venez d'entendre deux artistes qui viennent de la ville de Mainz en Allemagne. Donc, on vient tout juste d'entendre Kainz Weiter, la pièce Quantum, Puis c'était précédé par le duo Just Two Ordinary People, la pièce Lucky Times. Donc ces deux artistes-là se retrouvent sur l'excellente étiquette Spontan Music, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. On va poursuivre avec un artiste, encore une fois allemand, c'est plutôt un duo allemand, qui est sur l'étiquette américaine Qubit Sound, une étiquette qui vient de Eugene, en Oregon. Je vous fais passer le duo donc, qui s'appelle Estrella Run. La pièce s'appelle Reacted Glitch. Vous écoutez Web Music sur les ondes de CKRL. Une pièce assez deep à web music. Donc, c'était le duo allemand Estrella Run, la pièce Reacted Glitch sur l'étiquette Qubit Sound. Ça va déjà être tout pour web music. On a eu une émission quand même assez chargée cette semaine. Ben, toutes les émissions sont pas mal chargées, mais celle-ci, on arrive un peu serré dans le temps. Je vais vous faire passer une dernière pièce de Deggy Huggy, un Français qui vient de la région du Pays de la Loire. Donc, je vous fais passer sa pièce Gratte-poil featuring l'omelette. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Web Music la semaine prochaine à compter de 21h. D'ici là, ben, restez sur les ondes de CKRL. C'est Jason Blazak qui s'en vient avec son émission Sodium Haute Pression. Passez une belle soirée. CKRL 89.1 vous invite au lancement du nouvel album de Fred Fortin à la Ninkasi du Faubourg. L'artiste qui n'a plus besoin de présentation donnera une prestation lors du lancement de son nouvel album Plastré la Lune. Le 28 septembre, dès 17h, Fred Fortin vous attend à la Ninkasi du Faubourg, le temple de la relève musicale à Québec, 811 rue Saint-Jean, en collaboration avec l'Hôtel Saint-Anne. Le Festival de jazz présente du 23 au 27 septembre le volet Prestige au Palais Montcalm. Les frères Ferré, Michel Donato et Alain Jean-Marie, Christian Scott, Eliane Elias Quartet, Alan Holdsworth, McCoy Tyner. Le Festival de jazz de Québec tient à remercier ses partenaires majeurs, la bière Belle Gueule, la Société du Palais Montcalm, Eau de Source Naturelle Saint-Élie, Largo.com, Place Sainte-Foy, Première Ovation, Patrimoine Canada, Ville de Québec, la télévision de Radio-Canada à Québec, Rock Détente 107.5, Voir Québec et CKRL 89.1. Jazzaquébec.ca.